Yeah. Négro, négro, négro, c'est pas un surnom affectif. Si tu parles de moi, gros, choisis bien ton adjectif. Tu veux te poser, tu veux te marier, voilà qui est tendre. Mais pourquoi tu donnes toujours ton cul pour des billets de banque? Yo, j'ai de le joint à se consumer. J'oublie, je roule et je tire. J'inspire, j'expire. Pas mes souvenirs qui partent en fumée. Et je roule un deuxième pour me calmer. Je roule un dernier pour me calmer. Je suis sous OG, je suis sous amené. Je sais pas jusqu'où ça va m'amener. Mais si je suis en haut, je redescends pas. Dans mes poches, il faut descendre car je leur fais pas confiance. Je descends pas, je suis dans ma chambre, je les sens pas. Tu fermes ta gueule quand on les pas. On joue pas les gangsters quand on les pas. Pourquoi tu jacques, tu me connais pas. Faut des dollars, mais j'en ai pas. Si je suis en haut, je redescends pas. Dans mes poches, il faut les sens car je leur fais pas confiance. Je les sens pas, je suis dans ma chambre, je les sens pas. Tu fermes ta gueule quand on les pas. On joue pas les gangsters quand on les pas. Pourquoi tu jacques, tu me connais pas. Faut des dollars, mais j'en ai pas. J'ai encore une tête, encore des feuilles. Du tabac, j'en ai plein les poches. Je veux du bif dans mon portefeuille. Je veux du bif, j'en peux plein les poches. La fin du mois, j'attends les soldes. Dis-moi mon solde, sur mon portable. Attends un peu, t'as pas compris. J'en veux juste pour être confortable. Bien manger, bien dormir. Bien assis, bien au chaud. J'en veux juste pour voir la mif qui se porte bien, pas besoin d'autre chose. Mais en même temps, comment tu veux que je fasse? Heureusement que je suis récalcitrant. Comment t'expliques, c'est moi qui taffe. C'est moi qui taffe, c'est l'état qui prend. Si je suis en haut, je redescends pas. Dans mes poches, il faut descendre car je leur fais pas confiance. Je descends pas, je suis dans ma chambre, je les sens pas. Tu fermes ta gueule quand on les pas. On joue pas les gangsters quand on les pas. Pourquoi tu jacques, tu me connais pas. Faut des dollars, mais j'en ai pas. Et si je suis en haut, je redescends pas. Dans mes poches, il faut les sens car je leur fais pas confiance. Je les sens pas, je suis dans ma chambre, je les sens pas. Tu fermes ta gueule quand on les pas. On joue pas les gangsters quand on les pas. Pourquoi tu jacques, tu me connais pas. Faut des dollars, mais j'en ai pas. Il faut des 000 000 000 000 000 000 000. Il faut des 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000. Encore des 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000. Il faut des 000 000 000 000 000 000 000 000 000. Yeah, 000.